L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le saviez-vous ? Lors des orages, les éclairs et la foudre qui parsèment le ciel sont la source de réactions nucléaires. Des indices montrant que des neutrons seraient produits durant les orages étaient connus depuis les années 80. Mais cela n'avait encore jamais pu être réellement démontré expérimentalement. Il avait été constaté que lors de gros orages, il apparaissait une augmentation significative du bruit de fond neutronique, normalement attribué au rayonnement cosmique. Ce sont des physiciens russes qui ont enfin pu caractériser un peu mieux ces véritables petits canons à neutrons que sont les éclairs et la foudre, et qui ont publié leurs résultats en septembre 2013 dans Physical Review Letters. Pour cela, l'équipe russe a reproduit en laboratoire des grosses décharges électriques dans de l'air normal grâce à un vieil accélérateur d'électrons transformé pour l'occasion, pouvant créer un champ électrique de 1 mégavolt par mètre pour une intensité de 10 kA. En positionnant judicieusement différents détecteurs de neutrons, des détecteurs à traces et des scintillateurs plastiques, à différentes distances autour de l'éclair de décharge qui forme un canal de plasma, ils sont parvenus à mesurer un flux de l'ordre de 1 million de neutrons par centimètre carré ayant une source spatialement étendue et avec des neutrons d'énergie pouvant dépasser 10 MeV. Ils observent également la création de rayons X en coïncidence avec ces neutrons énergétiques. Même si l'origine exacte de ces neutrons reste mal comprise, il est fort probable qu'ils soient dus à des réactions photonucléaires ayant justement pour origine les rayons X qui sont, eux, produits par les électrons énergétiques du courant ionique de l'éclair. Alors reprenons. Le fort champ électrique appliqué produit un passage de charge électrique dans l'air qui se trouve ionisé. Des électrons de plusieurs MeV d'énergie cinétique se déversent dans le canal qui forme l'éclair. L'ionisation locale associée à la chaleur générée par les interactions des charges produit une émission de lumière, c'est l'éclair que nous voyons. Parallèlement, la forte chaleur très localisée dilate fortement une toute petite zone sur son passage et il se crée alors une onde de choc acoustique. C'est le claquage caractéristique que l'on peut entendre, ou le tonnerre si vous préférez. Jusque-là, rien de bien nouveau. Mais voilà que les électrons interagissent également au niveau du champ coulombien des noyaux d'atomes et peuvent être fortement ralentis. Ils émettent dans ce processus, appelé Bremsstrahlung, des rayons X, dont l'énergie va se distribuer jusqu'à l'énergie maximale des électrons incidents. Et c'est là que vont pouvoir apparaître nos neutrons. Les photons X, qui sont émis préférentiellement dans la direction des électrons précurseurs, à leur tour, peuvent générer des réactions nucléaires sur les noyaux d'atomes composant l'air atmosphérique où ils se propagent, pour produire ce qu'on appelle des photoneutrons. Ces réactions sont nommées dans le jargon des physiciens nucléaires des réactions gamma-N. Il n'y a donc pas que des rayons cosmiques qui finissent par produire des neutrons en interagissant dans l'atmosphère. À bien plus basse altitude, les gros orages et leurs cumulonimbus monstrueux emmagasinent suffisamment d'énergie électrique pour eux aussi jouer avec le feu neutronique. Les auteurs de cette étude souhaitent poursuivre leurs investigations pour déterminer où exactement sont produits les neutrons dans la décharge électrique. Ils doivent pour cela mesurer le temps de vol et la direction des neutrons, ce qui n'est pas si simple quand il s'agit de nanosecondes. Cet article de Evgeny Agafonov et ses collaborateurs est paru dans Physical Review Letters numéro 111 en septembre 2013. Il a pour titre Observation of Neutron Bursts Produced by Laboratory High Voltage Atmospheric Discharge. À très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ainsi que pour télécharger ce podcast sur les plateformes PodCloud et iTunes, bien sûr. Et n'oubliez pas que Ça se passe là-haut est candidat pour les Golden Blog Awards. Et ce sont les internautes qui choisissent leur favori, leur blog favori. Vous pouvez voter jusqu'au 26 octobre 2015. Donc n'hésitez pas à le faire si vous aimez Ça se passe là-haut et si vous voulez que Ça se passe là-haut se retrouve en phase finale des Golden Blog Awards et qui sait remporte le trophée de la catégorie Science Recherche. Je vous remercie beaucoup de votre soutien. Pour voter c'est sur le site en haut à gauche, il y a une bannière exprès pour ça. Et oui, allez, merci encore à toutes et à tous, et à très bientôt. Restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !